Bonjour à tous, c'est Aurélien. On se retrouve pour ma chronique hebdomadaire. Donc cette semaine, mon coup de cœur, c'est Alstorm. Donc Alstorm, c'est quoi ? Alstorm, c'est un groupe de musique. Ils font du pirate metal. Ils sont britanniques, plus précisément écossais. Le groupe, il s'est formé en 2001. Leur groupe se compose actuellement de 5 personnes, mais ça a varié dans l'histoire. Et j'ai découvert ce groupe, j'ai eu la chance de le découvrir en concert au Sapin Barbu, le super festival de hard rock metal de Dommartin et Remiremont, hein, que d'ailleurs je vous conseille d'aller voir quand il sera nouveau. Donc la prochaine fois qu'il y est, c'est en août, si je ne m'abuse, août 2019 ce sera. Bref. Et j'ai franchement adoré ce groupe. J'ai trouvé qu'ils avaient des musiques différentes, si vous voulez. Parce que pour l'instant, le métal que j'écoutais était plus classique, si vous voulez. Du coup, ça change un peu le pirate métal. Il y a des instruments qui sont différents. Les mélodies, si vous voulez, sont différentes. Et j'ai trouvé aussi un truc pas mal, c'est que Alstorm peut être traduit par tempête de bière. Donc, plutôt pas mal. Ça irait bien avec l'une de leurs musiques qui s'appelle Drink, donc bois. Voilà. Et du coup, Alstorm, c'est du coup, à mon sens, un groupe de pirates metal qui ont bien réussi leur musique, on peut dire. Vous allez pouvoir en juger par vous-même. Je vais vous passer un extrait maintenant. Voilà. Bon, j'espère que vous avez aimé. C'est tout pour moi, pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres coups de cœur. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et à toutes. C'était Aurélien.